Voyez donc, me dit-il, pour vous en mieux assurer, les écrits de M. Lemoine, qu'il a enseignés en pleine Sorbonne. Il a pris de nous, à la vérité, mais il l'a bien démêlé. Oh, qu'il l'a fortement établi. Il enseigne que pour faire qu'une action soit péché, il faut que toutes ces choses se passent dans l'âme. Lisez et pesez chaque mot. Je lis donc en latin ce que vous verrez ici en français. Premièrement, d'une part, Dieu répand dans l'âme quelque amour qui la penche vers la chose commandée. Et de l'autre part, la concupiscence rebelle le sollicite au contraire. Deuxièmement, Dieu lui inspire la connaissance de sa faiblesse. Troisièmement, Dieu lui inspire la connaissance du médecin qui la doit guérir. Quatrièmement, Dieu lui inspire le dessein de sa guérison. Cinquièmement, Dieu lui inspire le désir de le prier et d'implorer son secours. Et si toutes ces choses ne se passent dans l'âme, dit le jésuite, l'action n'est pas proprement péché et ne peut être imputée, comme M. Lemoine le dit, en ce même endroit et dans toute la suite. En voulez-vous encore d'autres autorités? En voici, mais toutes modernes, me dit doucement mon janséniste. « Je le vois bien, dis-je, et en m'adressant à ce père jésuite, je lui dis, « Ô mon père, le grand bien que voici pour des gens de ma connaissance, il faut que je vous les amène. Peut-être n'en avez-vous guère vu qui ait moins de péché, car ils ne pensent jamais à Dieu. Les vices ont prévenu leur raison. Ils n'ont jamais connu ni leur infirmité, ni le médecin qui la peut guérir. Ils n'ont jamais pensé à désirer la santé de leur âme, et encore moins à prier Dieu de la leur donner, de sorte qu'ils sont encore dans l'innocence du baptême, selon M. Lemoine. Ils n'ont jamais eu de pensée d'aimer Dieu, ni d'être contrés de leurs péchés, de sorte que, selon le père Anna, ils n'ont commis aucun péché par le défaut de charité et de pénitence. Leur vie est dans une recherche continuelle de toutes sortes de plaisirs, dont jamais le moindre remords n'a interrompu le cours. Tous ces excès me faisaient croire leur perte assurée. Mais, mon père, vous m'apprenez que ces mêmes excès rendent leur salut assuré. Béni soyez-vous, mon père, qui justifiez ainsi les gens. Les autres apprennent à guérir les âmes par des austérités pénibles. Mais vous montrez que celle qu'on aurait cru le plus désespérément malade se porte bien. Oh, la bonne voie pour être heureux en ce monde et en l'autre. J'avais toujours pensé qu'on péchait d'autant plus qu'on pensait moins à Dieu. Mais, à ce que je vois, quand on a pu gagner une foi sur soi de n'y plus penser du tout, toutes choses deviennent pures pour l'avenir. Point de ces pécheurs à demi qui ont quelque amour pour la vertu. Ils seront tous damnés, ces demi-pécheurs. Mais pour ces francs pécheurs, pécheurs endurcis, pécheurs sans mélange, pleins et achevés, l'enfer ne les tient pas. Ils ont trompé le diable à force de s'y abandonner.